Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc dans les derniers abouab qu'on a pris, nous avons parlé que l'auteur citait que cette da'wa al-mubaraka n'appelle pas au taqlid, au suivi aveugle, ni à la hizbiya. Et la hizbiya, on peut également la qualifier comme étant al-wala wal-bara al-dayyiq. Ce fut le ta'lif, la définition donnée par Cheikh Moqbil, qui sont l'alliance et le désaveu restreint, c'est-à-dire restreint pour une chose précise, autre que le kitab wa sunna. Que tu ne t'alliques à des gens précisément pour une chose précise, qui n'est pas forcément la vérité, et que tu te désavoues de gens précis, d'accord, pour des choses qui sont autres que la vérité. Naam. Thumma qala, da'watu ahli sunnati tuhadhiru min al-tashabbuh bil-kuffar wa min al-ghazwi al-fikri. Que cette da'wa des gens de la sunna met en garde contre le fait de ressembler aux mécréants et contrôler la conquête spirituelle que ces derniers lancent contre les musulmans. Qala tuhadhiru an-nas min at-tashabbuh bil-kuffar wa min qabul mukhattatihim wa turuqihim ash-shaytaniyyati allati yadkhuluha lil-muslimin. Fa inna Allah ta'ala yaqul wa lan tardu 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Donc ils mettent en garde contre le fait de ressembler, chercher à ressembler aux mécréants, et de fait d'accepter leur complot, leur stratège et leur voie satanique, celle qu'ils ont rentrée, qu'ils ont tenté d'insérer chez les musulmans, dans le sens où Allah est dit, et que les chrétiens et les juifs ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur religion. Al-Baqarah, la vache, verset 120. ففي هذه الايه يخبر الله ان اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى يتشبهوا بهم ويعملوا مثل ما يعملون. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال من تشبه بكم فهو منهم. Ce verset vient pour nous montrer que les juifs et les chrétiens et autres parmi les koufars n'agréeront pas les musulmans tant qu'ils ne leur ressembleront pas, tant qu'ils ne leur ressembleront pas et qu'ils n'agiront pas comme eux-mêmes agissent. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde en disant que celui qui ressemble à un peuple fait partie de lui. نعم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى ولو دخلوا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a dit, vous allez suivre les traditions et la voie de ceux qui étaient avant vous, et que s'ils venaient à rentrer dans le trou d'un lézard, vous y entrerez kazalik, tellement vous allez les suivre et les imiter. Et il dit, ô messager d'Allah, s'agit-il des juifs et des chrétiens? Il dit, et qui donc autre que eux alors? وقال وتحذر الناس من الغزو الفكري كالحزبية التي تعتبر مستوردة من أعداء الإسلام لتمزيق المسلمين ولجعلهم أحزابا وشيعة ولضعف قوتهم. Et il met en garde également contre cette conquête spirituelle lancée par les koufars, comme cette hizbiya qui est considérée comme étant importée des ennemis de l'islam, afin de pouvoir la diviser et d'en faire des partis et des groupes, et pour affaiblir leur quwwa. Comme a dit Allah Azza wa Jal, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَا رِيحُكُمْ. Et ne vous disputez pas, ne vous querellez pas, car votre force s'en irait. Al-Anfal buta, verset 47 ou 46. وَمِنِ الْغَزُوِ الْفِكْلِيَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الدُّشُوشُ وَالتَّلَفِزِيُونَ يعني التلفاز الَّتِي فِيهَا مِنِ الْبَلَى مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ كالمسلسلات والمسرحيات المائعة وأشرطة الكاسيات بصوت مطربين ومطربات وأشرطة الفيديو أو فيديو التي أفسدت أبناء وأبنات المسلمين. Et également parmi justement cette conquête spirituelle que lancent les koufars contre les musulmans, qui sont eux qui ont fait en sorte que rentrent dans leur maison les paraboles pour avoir les chaînes câblées et avoir toutes les choses qui proviennent de l'extérieur de chez les occidentaux. Comme la télévision également, qui elle-même est le principal moyen, justement, pour pouvoir entrer cela dans les maisons. Cette télévision qui apporte un bien nombre de fléaux que seul Allah connaît le nombre. Et également, comme ces séries télévisées, ces pièces de théâtre, ou les chansons et Rayl Zalika, celles qui ont corrompu les enfants et les fils et les filles des musulmans. Et nous avons plein de choses qui viennent par cela, qui tentent, qui se lient au verset que l'auteur a cité, que les juifs et les chrétiens ne seront pas satisfaits des musulmans tant qu'ils ne ressembleront pas. Donc de là, ils tendent à rentrer les musulmans dans leur stratège, comme le Methelen, on peut voir comme les choses, comme la Coupe du Monde, faire entrer les équipes des pays d'islam, ce n'est pas en cela le fait d'ouvrir l'esprit, mais c'est dans un but de pouvoir les corrompre par la suite, ou de mettre des joueurs de football parmi les musulmans, les mettre en tête d'équipe ou les mettre en avant afin de pouvoir corrompre les autres musulmans, de donner des postes haut placés ou des choses de dunya à des musulmans pour pouvoir en faire envie les autres et pouvoir les égarer par la suite. Mais beaucoup de gens sont inattentifs à cela et se font avoir. Et pensent que cela est une ouverture d'esprit, et cela est de l'évolution, et cela est de une avancée dans l'entente entre les ethnies. Et cela est complètement faux. Cela est tout simplement un complot contre les musulmans. وقال ومن غزو الفكر الذي يحذر منها أهل السنة الديمقراطية التي هي حكم الشعب نفسه بنفسه. والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. Parmi également ces moyens de conquête spirituelle, il y a la démocratie, qui est l'un des plus gros en cette époque. Démocratie qui est que le peuple se dirige par lui-même. Le peuple se dirige et juge par lui-même. Et dans le sens où Allah a dit que certes le jugement ne revient qu'à Allah. Al-An'am, les bestiaux, verset 57. Wa qala ta'ala, Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils donc des associés qui leur ont légiféré en religion ce que Allah n'a pas autorisé? Ash-shura, la consultation, verset 21. Et donc la démocratie ne fait pas partie de l'islam. L'islam est innocent de cette démocratie. Car celle-ci est basée sur quoi? Sur l'esprit majoritaire, que le plus grand nombre l'emporte. Quand bien même serait ce plus grand nombre sur le faux. Et là-bas, c'est que le grand nombre des gens sont sur le faux. Comme encore l'État Allah, « وَمَكْسَرُ النَّاسُ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » Et que la plupart des gens, même si tu tentes d'y faire attention, ne seront pas croyants. Yusuf, verset 3. « وَقَالَ الْتَعَالَى ta'ala, وَنْ تُتِيَ أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Et si jamais tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, Azza wa Jal. Les bestiaux, verset 116. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور et peu de mes serviteurs sont remerciants reconnaissants. Saba, verset 13. وقال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون, et que la plupart des gens cependant ne savent pas. Al-A'raf, verset 187. Donc la démocratie amène à l'égalité entre le kafir, le mécréant, et le musulman. À mettre égal entre l'homme pieux et le pervers. Comme a parlé Azza wa Jal, afana jalul muslimin et mujrimin, ma alakum kifatah kumun. Donc mettre les musulmans comme les criminels, qu'avez-vous donc, comment est-ce que vous jugez? Al-Qalam, la plume, verset 35 à 36. Où yakul Allah ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasika, la yastaoun. Est-ce que ceux qui sont croyants comme ceux qui sont des pervers, ils ne sont pas égaux? Sajda, la prosternation, verset 18. Également, cette démocratie amène à égaliser entre les sexes. Que l'homme et la femme sont égaux. Et dans le sens où Allah dit, وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى, et que l'homme n'est pas comme la femme. Al-Imran, verset 36. Et également, ils font que le témoignage de la femme équivaut au témoignage de l'homme. Alors qu'en islam, cela n'est pas le cas. يَقُلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلْ فَإِنَّمْ يَكُنَّ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَى أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى. Et ils disent que s'il n'y a pas deux hommes pour témoigner, alors un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, afin que si jamais l'une d'entre elles oublie, l'autre sera là pour lui rappeler. Surat al-Baqara, verset 282. Et d'autres hadiths sont venus que le témoignage d'un homme équivaut à celui de deux femmes. Et c'est une chose qu'Allah a décrété à la plus savante de sa créature. Donc cette démocratie se base sur le grand nombre, alors que l'islam, son jugement est basé sur le kitab et la sunna, et également par les gens de la solution et les gens expérimentés. Lorsqu'il y a des consultations à faire, on ne prend pas n'importe qui. On appelle les gens expérimentés dans le domaine dans lequel nous avons besoin d'une solution si on n'a pas un texte explicite sur le sujet. وقال سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. Tout ce en quoi vous divergez, le jugement revient à Allah. وقال عز وجل, ça c'est verset Shura, verset 10. ويقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si jamais vous disputez en quoi que ce soit, alors envoyez-le à Allah et au messager, si jamais vous croyez en Allah au jour dernier. An-Nisa, les femmes, verset 59. Et parmi justement ce système démocratique, il y a ce qu'on appelle les élections, qui sont en tachabour bekoufar. Et ce tachabour, cette ressemblance, n'est pas permise. Et cela contient beaucoup de nuisances contre les musulmans. Et parmi elles, le fait d'égaliser entre le faux et le vrai. Et de donner, d'égaliser entre celui qui a tort et celui qui a raison. Et cela se basant sur la majorité. Si jamais la majorité voit par exemple que l'alcool est permis, ils vont voter, l'alcool sera permis. Alors qu'en islam, il est interdit dans l'absolu. Par exemple. Et cela amène à perdre l'alliance et le désaveu. Divise entre les rangs des musulmans. Et met entre eux l'animosité, ainsi que l'esprit de parti, ainsi que le fanatisme. ainsi que l'escroquerie, en y ajoutant la tromperie et le mensonge, les faux témoignages, la perte de temps et autres. Donc de là, cela ne fait pas partie de la droite des gens de la Sunna, et voire même que les gens de la Sunna mettent en garde contre cela. Donc le fait de ressembler au koufar, c'est une chose dont cette daron met en garde. Que ce soit dans les coutumes, dans les habits, dans le parler, et dans plein de choses, et surtout, dans la croyance. Maintenant, si nous avons des choses en religion qui sont communes avec eux, mais affichées, il n'y a pas d'interdit par rapport à cela. Mais là-bas, c'est que la vérité vient des gens de l'islam. Naam. Fabien Adalkod Naktafi, walhamdulillah bil alamin.